Unité 4. Le temps de vivre. Ouverture 1. Devinette. Page 54. Activité 1. Écoutez ces personnes parler de leur profession.